Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Fadjet. Eh bien, très heureux de vous retrouver et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir dans l'émission Mary Lee Jacquier, qui est soprano, artiste lyrique. Bonjour Mary Lee. Bonjour Thierry. Alors, on va parler bien sûr de votre parcours, de vos goûts. Vous nous avez concocté un programme musical, puisque à chaque fois que j'ai un invité, je lui demande de faire le programme musical. On va découvrir tout ça. Alors tout d'abord, il faut préciser que vous enseignez à l'école Aimarie, une école associative de musique qui se situe à Metz. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette école en quelques mots ? Oui, avec plaisir. Tout d'abord, merci beaucoup de l'invitation. Je suis ravie d'être ici. Alors oui, j'enseigne à Aimarie, donc École de musique à rayonnement intercommunal à Metz. C'est une école associative qui compte 1100 élèves sur 4 sites différents sur le Metz métropole. En plus de ça, c'est la plus vieille association de Metz et qui fête cette année ses 150 ans. Donc c'est assez impressionnant. C'est un enseignement artistique complet. Donc il y a du théâtre, de la danse et bien sûr la musique. Il y a des parcours diplômants, donc traditionnels, ou bien aussi des parcours de loisirs. L'école propose aussi beaucoup de chœurs, des ensembles vocaux et aussi bien sûr des ensembles d'instruments, des orchestres et de tout âge. Donc c'est très très intéressant. Alors, Mary Lee, on aura remarqué que vous avez un petit accent. Oui. Vous êtes originaire d'Afrique du Sud. Alors ça, c'est pas courant parce qu'il y a, je pense, peu de Sud-Africains, Sud-Africaines dans notre région. Comment êtes-vous arrivé à Metz, puisque vous enseignez à Metz, vous vivez près de Metz. Bon, et puis vous avez aussi longtemps vécu à Nancy. Comment êtes-vous venu dans notre région ? Voilà, donc mon histoire est un peu atypique. Donc je viens d'Afrique du Sud. Quand j'avais 19 ans, j'ai fait une année sabbatique de mes études de comptabilité en Afrique du Sud pour faire une année en Norvège, travailler dans une entreprise. Et en Norvège, j'ai rencontré mon mari qui est Lorrain. Voilà, bah c'est la plus belle des raisons, vous êtes là par amour, hein, on va le dire quand voilà. même. Très bien. Et puis vous avez étudié aussi au conservatoire de Nancy, hein. C'est bien ça. Donc, quand je suis arrivée en France en 2008, j'ai tout de suite commencé le chant lyrique au conservatoire de Nancy. J'ai fait 10 ans là-bas. Et puis, je suis partie au conservatoire de Metz en 2018, où j'ai terminé mon parcours de soprano lyrique. Et j'ai eu mon DEM donc, là-bas dans la classe de Juan Carlos Morales en 2020. Donc, diplôme d'études musicales, on va préciser, hein, DEM. Alors, bien sûr, comme je disais, vous avez concocté un programme musical pour ce matin et vous avez souhaité écouter le premier concerto pour piano de Tchaïkovski, œuvre très célèbre, l'un des standards du répertoire. Alors, pourquoi ce concerto est important pour vous ? Alors, comme vous le dites, c'est un tube, mais bon, je crois que les tubes, ce n'est pas des tubes pour rien. C'est vraiment une pièce que j'affectionne énormément. Et je sais que Tchaïkovski, c'est aussi mon compositeur préféré, même s'il a écrit peu pour la voix. Et pour la petite histoire, quand j'étais dans le ventre de ma maman, elle mettait une petite cassette sur son ventre avec que du Tchaïkovski. Donc, c'est le hasard ? On ne sait pas. Non, mais ça influence souvent la musique, justement, pour les fœtus, on le dit en tout cas. Hein, ça influence ensuite le goût pour la musique, hein, d'entendre de la musique très très jeune, en tout cas, ça c'est sûr. Hein. Donc, concerto pour piano de Tchaïkovski, on va écouter le début avec Martha Argerich, la grande Martha Argerich au piano. Le Royal Philharmonic Orchestra est dirigé par Charles Dutoit. Thank you. Voilà, ça c'est la coupure idéale. À chaque fois qu'on passe le début du concerto pour piano numéro 1 de Tchaïkovski, on s'arrête aux quelques notes de cor. C'était le choix de mon invité d'aujourd'hui, Mary Lee Jacquier, qui est soprano, professeur de chant, et c'était l'interprétation de Martha Argerich avec le Royal Philharmonic Orchestra, direction Charles Dutoit. Alors Mary Lee, vous êtes chanteuse, mais vous avez une formation musicale complète. Vous avez, je crois, étudié le violon et puis ensuite le piano avant de vous orienter vers la voix. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, j'ai commencé le violon quand j'avais 4 ans, en Afrique du Sud. Et j'ai commencé le piano à 5 ans, quand j'avais 5 ans. Et bah, j'ai toujours chanté, mais vers 8 ans, j'ai intégré un chœur d'enfants qui s'appelle le Tigerberg Children's Choir, qui est un chœur international, en fait, d'enfants, qui a remporté plusieurs prix internationaux. Et cela m'a beaucoup formée pour l'apprentissage et la discipline musicale. Et ça a cultivé en moi une passion particulière pour la musique. Oui, mais vous jouez encore du violon et du piano ou plus du tout? Je joue encore le violon. Le piano, on va dire que c'est le troisième amour. Hein. C'est ouais, d'abord le chant, puis le violon, chant, puis le piano. D'accord, enfin ça donne donc, une formation complète. Hein, quand on maîtrise deux instruments, même, pour la voix c'est encore mieux. Parce qu'évidemment, ça permet de bien mettre en perspective la voix par rapport aux instruments, j'imagine. Voilà, et le comprendre comme un instrument. Alors, vous y avez fait allusion. Comment ça se passe, l'initiation musicale en Afrique du Sud? On commence très tôt, beaucoup plus jeune qu'en France ou pas? C'est plus développé? Alors, ça, je ne dirais pas forcément. Là, j'avais l'occasion de le faire parce qu'il y avait une école de musique pas trop loin de chez moi. Mm-hmm. La différence que je dirais, c'est que la musique est très proche de tout le monde ou à la portée de tout le monde. Par exemple, on a la possibilité d'apprendre la musique directement dans nos écoles. Ouais, dans les écoles primaires publiques, en quelque sorte. Voilà, d'accord. Voilà, exactement. Mm-hmm. Primaire et puis secondaire. Parce qu'on a que deux écoles en Afrique du Sud, on n'en a pas trois. Et en fait, donc, il y a comme un département musical dans chaque école, surtout parce que je viens du Cap, et c'est surtout une culture, qu'on a cette culture musicale au Cap. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup formée, qui a beaucoup formé l'artiste que je suis aujourd'hui, parce que je baignais dedans dès le début. D'accord. Donc ça, c'est très intéressant. Et dans les écoles aussi, ils proposent beaucoup de chœurs, d'ensembles vocaux, et de très haut niveau. Donc, l'école, ça dépend des écoles. Donc, ça dépend les professeurs, les instruments disponibles. Oui, parce que les professeurs sont formés. Ils ont déjà un très bon niveau. Exactement. C'est de très bons niveaux. Et par exemple, donc, le chant et le piano, et la formation musicale, la culture musicale, etc., j'ai pu faire à l'école. Aussi, une des matières de mon bac. Et le violon, je l'ai fait dans une école de musique. Donc ça, après l'école de musique, il y a tous les instruments possibles, comme en France. Oui. En fait, le conservatoire est pour les études. Donc c'est lié à l'université. Ouais. Mais il n'y a pas de conservatoire pour les enfants, c'est des écoles de musique et à l'école même. D'accord. Voilà. Donc c'est assez différent quand même en France. On aimerait bien avoir ça d'ailleurs en France. Hein. Ça serait peut-être mieux, mais enfin bon. Ça nécessite évidemment beaucoup de changements et de formations derrière. Alors vous avez souhaité écouter Summertime, tiré de Porgy and Bess de George Gershwin. Pourquoi ? Summertime, qui est un air d'opéra, mais bien sûr aussi repris dans le jazz. C'est aussi une berceuse dans les pays anglophones très connue. Donc c'est quelque chose qui a marqué ma vie d'enfance. Et voilà, c'est une berceuse qu'on utilise, pas que dans la musique classique ou jazz, mais dans la vie de... Bah oui, c'est vrai. D'ailleurs, dans l'opéra lui-même, c'est une berceuse. Hein. C'est Clara qui chante Summertime à son enfant. Hein. Ça se situe d'ailleurs au tout début de l'opéra. Bon, on va écouter donc Summertime, chantée par une artiste, moi, que j'aime beaucoup, la chanteuse américaine Renée Fleming. Elle est entourée de l'orchestre de l'opéra du Metropolitan, dirigé par James Levine. Thank you. sans doute la page la plus célèbre hein, de Porgy and Bess. C'était Summertime, interprété par René Fleming, l'orchestre du Met de New York, direction James Levine, et toujours le choix de mon invité, Mary Lee Jacquier, qui est soprano, et qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Mary Lee, donc vous êtes soprano, chanteuse, comment se découvre une voix? Parce qu'il y a plein de gens qui chantent dans leur salle de bain, qui chantent partout, puis finalement on pense qu'on peut pas chanter, en faire une carrière. Alors comment ou alors on peut penser qu'on a une belle voix, mais bon voilà, c'est pas suffisant quand même pour en faire un métier, en devenir une professionnelle. Alors comment vous vous êtes aperçu que vous aviez vraiment une voix? Alors c'est une très bonne question et je pense que l'histoire de chaque artiste est sûrement différente. Comme vous le dites, tout le monde chante et c'est bien, tout le monde doit chanter parce que le chant, ce n'est pas un instrument qui est réservé qu'aux professionnels. Mais bon, comment savoir si on en fait notre métier? Donc moi, bah, j'ai toujours chanté enfant, ça a beaucoup formé, comme je l'avais dit, le cœur dans lequel j'ai chanté. Comme je l'avais dit aussi, ça a beaucoup formé la discipline musicale aussi, parce qu'être musicien, ça nécessite beaucoup de travail, surtout musicien classique. C'est beaucoup de travail, beaucoup c'est d'années sûr. De travail, donc il faut être passionné. C'est un métier de passion, ça, il n'y a pas de scoop. Donc, il faut être sûr de ce que tu veux faire. Ouais. Si on veut faire ce métier, il faut être sûr. J'ai souvent entendu ça, des profs de musique, des profs de chant notamment, qui disent, si vous auriez pu faire un autre métier, vous auriez fait quoi? Et la personne dit, bah, je ne sais pas moi, un docteur. Il dit, ouais. bah faites ça. Ah oui, d'accord. Donc, oui, bon. Pour être chanteur classique, il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Maintenant, comment savoir si c'est pour nous? Je pense que c'est important de... Moi, par exemple, c'était quelques réflexions très bien construites, de critiques, mais des critiques constructives. Mm-hmm. Qui m'a aussi aidée, des personnes qui croyaient en moi. On peut dire qu'on peut avoir une belle voix, entre guillemets, mais ça ne suffit pas. Bien voilà. sûr. Il y a besoin de talent, peut-être. Oui, mais d'une certaine aisance sur scène aussi. Hein. C'est ça. Ouais. Voilà, savoir c'est jouer ça. La comédie. Hein, ce n'est pas que la voix, c'est un ensemble. Donc, comme vous le dites, une présence sur scène et aussi une compréhension de la musique. Et après, tout, pour moi, je trouve que être musicien, c'est le partage d'émotions. Donc, si on n'est pas à l'aise à partager l'émotion, je ne vois pas trop l'intérêt. Ah bah, c'est une belle définition. Franchement, c'est une des plus belles que j'ai jamais entendues. comment on préserve sa voix? Ça, c'est une question, je pense, que les auditeurs se posent. Hein. Comment on fait pour préserver une voix au quotidien, c'est-à-dire avec les maladies qu'on peut avoir, les maux de gorge, enfin ce genre d'incidents qu'on a parfois dans la vie, c'est quand même un instrument extrêmement fragile, la voix. Alors est-ce que vous avez un mode de vie particulier pour justement préserver votre voix? Oui, c'est vrai qu'on est confronté à ce challenge en tant que chanteur, c'est d'essayer de ne pas tomber malade, parce que ça c'est le pire pour nous. Donc il faut une hygiène de vie correcte pour être en forme. Après, pour garder la voix, ce qui aide pour la voix, c'est beaucoup s'hydrater. En fait, pour les cordes vocales, si elles sont hydratées, elles répondent tout simplement mieux. Oh, ouais. Et donc, ce qu'on fait aussi, c'est qu'il faut savoir reposer la voix quand il y a besoin. Mm-hmm. Et malheureusement, parler, ça fatigue la voix, voire plus que chanter. Bon, bah alors, je suis en train de fatiguer votre voix, là, non, ce matin. Non, pas du tout, parce qu'elle n'est pas fatiguée. Bon. Mais ça va ensemble avec le travail, en fait, de muscler et de travailler la voix. Ouais. Parce que c'est comme un muscle, on est comme des sportifs. Mm-hmm. Il faut travailler l'endurance, il faut savoir travailler la voix pour la placer, pour qu'elle sonne, mais pour qu'on ne force pas, qu'elle ne se fatigue pas, qu'elle se fasse pas mal. Voilà. Ouais. C'est important de le préciser parce que c'est une question qu'on se pose tous quand même, je pense, quand on entend les chanteuses. Et puis c'est vrai qu'il y a parfois des chanteuses qui abusent, hein, qui prennent trop de rôles et puis qui abîment leur voix, et c'est bien dommage. On va écouter un peu d'opéra encore, parce qu'on a écouté Porgy and Bess, c'est un opéra, mais maintenant c'est un opéra de Puccini, Gianni Cicci. Bah, c'est le centenaire hein, de la mort de Puccini cette année. Et vous avez choisi O mio babbino caro, c'est l'air le plus célèbre, c'est l'air de Loretta. Vous vouliez la version de Montserrat Caballé en 90, mais hélas, je ne l'avais pas dans ma discothèque, donc on va se contenter de Rita Streich, mais vous allez voir, c'est pas mal non plus, hein, avec l'orchestre de l'Opéra de Berlin, dirigé par Reinhard Peters. Oh, mio babbino caro, tiré de Gianni Schicchi de Puccini avec la voix de Rita Streich, l'orchestre de l'Opéra de Berlin, Reinhard Peters, toujours le choix de mon invité, Mary-Lee Jacquier, qui est soprano et qui nous fait donc le plaisir d'être dans notre studio ce matin. On va vous découvrir maintenant, vous écouter chanter Mary-Lee dans une œuvre contemporaine, mais restez à l'écoute parce que c'est tout à fait audible, hein, on m'a précisé avant. C'est une œuvre du compositeur Kenoul Amirova, qui est harpiste, c'est ça ? C'est bien ça. Et qui a écrit un Ave Maria. Voilà, pour moi. Donc, pour vous, oh, voilà. Dédicacé. Donc voilà, quelle chance. Ouais. Alors ça, c'est quand on déchiffre une œuvre pour la première fois, il y a une émotion particulière ou pas ? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Déjà, j'ai de la chance de travailler avec plusieurs compositeurs, compositrices vivants de nos jours. Et de pouvoir interpréter une pièce pour la première fois, c'est un honneur, c'est une responsabilité, mais il y a une liberté d'interprétation qui est vraiment, vraiment incroyable. Donc Kenoul, c'est une chère amie et collègue à moi, et elle m'a écrit cette pièce donc pour harpe et voix, un Ave Maria. Et j'étais vraiment touchée de pouvoir l'interpréter et de partager avec vous ça aujourd'hui. Eh ben on va l'écouter tout de suite, cet Ave Maria de Kenoul Amirova, et je vais découvrir avec les auditeurs, interprété par la soprano Mary-Lee Jacquier et la harpiste Kenoul Amirova, je suppose. Thank you. Super, bravo Mary Lee Jacquier, mon invitée. On l'écoutait dans cette pièce contemporaine, un compositeur, compositrice apparemment d'aujourd'hui, la harpiste Kenoul Amirova, Ave Maria, interprétée donc et par Kenoul Amirova à la harpe et Mary Lee Jacquier, soprano. Bravo encore une fois. Merci beaucoup. Alors c'est un disque qui va sortir, hein ? Voilà, c'est ça. Donc on enregistre notre premier album Reflet d'en haut cet été avec l'harpiste Kenoul. Et on a rassemblé un répertoire autour des oiseaux, la nature, l'amour et les rêves. On a pris des airs d'opéra, des mélodies qui mettent en valeur la harpe avec la voix. Voilà, donc on y retrouvera du Debussy, Rossini, Mozart, Bellini, Anne, Schubert, Delacroix, Gounod, Grieg, Glinka et encore du Forêt. Et cette pièce originale sera aussi sur le disque. Voilà, un programme très ouvert. Alors, hein, harpe et voix, c'est pas très courant. En plus, c'est formidable. Donc, un disque qui paraîtra, enregistré cet été, qui paraîtra à l'automne, probablement. Voilà, on l'espère, oui. Bon, on en reparlera, j'espère. Alors, on va écouter maintenant une œuvre qui est importante pour vous aussi. C'est Poulenc, Les chemins de l'amour. Alors ça, parce que c'est lié à un spectacle aussi que vous préparez, que vous allez proposer très prochainement, je crois. Justement, c'est un spectacle. Alors, c'est un spectacle qu'on a déjà tourné cette saison et qu'on continuera à tourner. C'est un spectacle qui s'appelle « Le bœuf sur le toit ». Voilà, un spectacle haut en couleurs mélangeant le chant, récit et théâtre d'ombre autour de Poulenc et Piaf. Donc, on y trouve des mélodies de Poulenc. Dans une partie centrale, on trouve l'histoire de Babar, qui est l'histoire qui a été mise en musique par Poulenc et qui est illustrée également du coup par les théâtres d'ombre. Et des musiques de Piaf. Donc c'est un lien, on peut peut-être penser peu probable, mais pourtant ces deux artistes se sont fréquentés au cabaret mythique Le Bœuf sur le Toit, dû l'intitulé de notre spectacle. Et ce spectacle, je l'ai monté avec Christophe Durand, qui est également professeur au Conservatoire de Metz et pianiste, organiste. Et c'est un spectacle qui est pour des petits, pour les moins petits, c'est pour tout le monde. Oui, l'histoire de Babar, c'est vrai que c'est moins connu que Pierre et le Loup, hein, mais c'est tout aussi intéressant. Exactement. Et puis Poulenc, on disait que c'était un moine et voyou, parce qu'il est moine parce qu'il avait une grande ferveur religieuse, et puis voyou parce qu'il fréquentait un peu les endroits malfamés de Paris, du Montparnasse des années 20. Exactement, c'est ce qu'on dit. Oui. Et donc en plus le lien, c'est que Édith Piaf est morte le même jour que Francis Poulenc, en 1963, c'est incroyable. Hein. C'est vraiment incroyable. Mais vous m'avez appris aujourd'hui ça. Que Poulenc a été ouvert à d'autres genres musicaux. Enfin, il était, même s'il a, contrairement à Ravel, il n'a pas inclus le jazz dans sa musique, il était très ouvert aussi aux musicaux. Exactement. Là. Donc, dans ce programme, on a inclus aussi un hommage au piano qu'il avait écrit exprès pour Piaf. Et alors, qui va réciter l'histoire de Babar alors ? Eh bien, c'est moi. C'est vous. Voilà. D'accord. Mais là, vous ne serez plus chanteuse, vous serez récitante. Voilà. Bon, on va écouter Les chemins de l'amour de Francis Poulenc, une version un peu, qui n'est pas une version traditionnelle, la version originale, avec au piano Amandine Savary, au violoncelle Christian-Pierre Lamarca, et la belle voix de Patricia Petitbon. Thank you. Les chemins de l'amour de Francis Poulenc, interprété par Patricia Petitbon, Christian-Pierre Lamarca au violoncelle, Amandine Savary au piano, le choix de mon invité, Marie-Lie Jacquet. Vous chanterez très prochainement, je crois, donc cette mélodie de Poulenc dans un spectacle très très complet, très ouvert. Alors voilà, ça c'est du spectacle qu'on a parlé, le bœuf sur le toit. Le bœuf sur le toit. Voilà, il est inclus dans le spectacle là, donc le spectacle qui mélange Poulenc et Piaf, ouais, et l'histoire de Babar. D'accord. Et puis la comédie musicale, on en a parlé tout à l'heure, enfin on n'a pas encore parlé de comédie musicale, puisque Summertime c'est pas une comédie musicale, c'est un opéra, mais exactement, la comédie musicale, ça vous y accordez aussi beaucoup d'importance. Hein. Oui, tout à fait. La comédie musicale joue une grande importance dans mon pays anglophone, une fois de plus, c'est très présente. Mmh. Donc, on a grandi avec beaucoup de comédies musicales autour de nous. Je pense notamment à Julie Andrews, mmh, qui est une de mes chanteuses préférées et qui m'a inspirée tout au long de ma vie, mais d'autant plus maintenant que je suis chanteuse professionnelle. Je veux dire, on a grandi avec La Mélodie du Bonheur, mmh, Sound of Music, Do. A deer, a female deer, ray, a drop of golden sun. Ah oui, alors, c'est merveilleux. Voilà, hein. Voilà, c'est des souvenirs d'enfance, mais qui m'a beaucoup marqué. Donc, c'est quelque chose qu'on voit peut-être moins souvent en France, mais c'est vraiment des pièces que je trouve qui amènent la musique autrement au public et que j'essaie d'inclure dans mes programmes. Voilà, donc notamment dans un programme en rêverie que j'ai monté avec un trio, Enos Tante Corde, mm-hmm, avec à mes côtés Philippe Bruyère, violoniste, et Romarie Arnoux, pianiste. Voilà. Donc le répertoire chambriste, on peut le dire, vous intéresse particulièrement. Voilà, tout à fait. Ouais. Et donc vous enseignez, quand vous avez des élèves, vous les formez à la fois à l'opéra, la musique de chambre, la mélodie, tout est enseigné ou il y a des spécialisations ? Alors oui, je suis quand même professeure de chant classique, on va dire. Donc j'enseigne tout d'abord comment utiliser sa voix et comment maîtriser sa voix et comment apprendre à avoir une voix saine qui sonne, qui est homogène, mmh, et qui a beaucoup d'harmonie, qui résonne, etc. Et après, quand on maîtrise sa voix, en fait, on peut le mettre dans n'importe quel répertoire. Mmh. Mais bon, il faut comprendre le répertoire. Ça peut être du baroque, ouais, ça peut être la comédie musicale. Ça peut être l'opéra, mais je pense que le plus important, c'est déjà d'apprendre à maîtriser son instrument. Mmh. Parce qu'une fois qu'on a un instrument qu'on peut maîtriser, et ça, c'est quelque chose d'ailleurs que je trouve que c'est jamais fini. Je suis toujours, ouais, dans l'apprentissage. Bien sûr. La, mmh, voix est un instrument vivant, parce, mmh, que notre corps change tout au long de notre vie. Donc l'apprentissage, ce n'est jamais fini. Et puis il y a toujours des nouvelles partitions à découvrir qui apportent aussi d'autres techniques de la voix. Exactement. Alors on va écouter un extrait de West Side Story parce que ça vous y teniez particulièrement. C'est aussi une œuvre qui compte beaucoup pour vous parce que vous l'avez chanté, enfin tout au moins vous avez chanté des chansons d'extraits de cette comédie musicale. Oui, exactement. C'est I Feel Pretty, il me semble. Eh bien on l'écoute tout de suite. And witty and bright, and I pity any girl who isn't me tonight. I feel charming, oh so charming, it's alarming how charming I feel, and so pretty that I hardly can believe I'm real. See the pretty girl in that mirror there, who can that attractive girl be? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning and entrancing, feel like running and dancing for joy. For I move, I am pretty, wonderful move. Have you met my good friend Maria, the craziest girl? She's in love, she's merely insane. feel pretty, oh so pretty, that the city should give me its key. A committee should be organized to honor me. La la la la la la la la. I feel dizzy, I feel sunny, I feel fizzy and funny and fine, and so pretty, Miss America can just resign. La la la la la la la. See the pretty girl in that mirror there. What mirror? Where? Who can that attractive girl be? Which? What? Where? Who? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning. I feel stunning. And entrancing. And entrancing. Feel like running. Feel like dancing. And dancing. For I'm love. I am pretty. You are the Un extrait de West Side Story, la bande originale, le choix de mon invité Mary Lee Jacquier. Mary Lee, donc, comme on le disait, une comédie musicale qui compte beaucoup pour vous, un genre qui est vraiment important dans votre formation. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, souvent on s'aperçoit que les chanteuses d'origine anglo-saxonne comme vous, puisque vous êtes sud-africaine, je le rappelle, eh bien passent plus fréquemment peut-être que les chanteuses françaises, européennes d'un genre à l'autre. Hein. Oui, peut-être, ouais. Peut-être, parce que ça nous a marqué et... peut-être on le trouve plus abordable, je ne sais pas, est-ce que c'est la langue, je ne sais pas, mais oui, peut-être. Oui. Bon, en plus, West Side Story, c'est un manifeste contre le racisme, hein, et bon, c'est vrai que vous venez d'un pays où il y a eu quand même le drame de l'apartheid. On va passer à Dvorak Rusalka. Alors, Rusalka, c'est un opéra en tchèque, et justement, quand vous travaillez un air d'opéra, comment on passe, je me demande toujours, est-ce que vous avez quelqu'un qui vous forme au niveau de la prononciation, parce que passer du français, de l'anglais à l'italien ou au tchèque, comment on fait? Oui, c'est vrai que l'apprentissage des langues, c'est quand même c'est une grande partie de notre parcours. Souvent, les chanteurs, on parle plusieurs langues parce que, en fait, c'est d'autant plus facile de chanter dans une langue si on la parle parce qu'on la comprend. C'est plus facile pour la mémorisation, c'est plus facile pour l'accent, etc. Après, on ne parle pas toutes les langues. Je ne parle pas tchèque, ouais. Mais j'ai déjà chanté Rusalka. Un air magnifique. Donc, on fait beaucoup d'apprentissage. On chante quand même beaucoup en français, forcément, parce ouais. qu'on est en France. Beaucoup italien, beaucoup allemand. Donc, on a des apprentissages approfondis dans comment chanter dans ces langues-là. Et il faut le dire aussi, le plus on parle de langue, le plus c'est facile d'imiter des sonorités d'autres langues. D'accord. Voilà. Donc, par exemple, tchèque. Il faut déjà qu'on puisse l'écrire phonétiquement. Et après, on a souvent des coachs qui va pouvoir nous le prononcer, qui va nous écouter et qui va nous aider à pouvoir le prononcer correctement. Parce que c'est une chose de le parler, et après c'est une autre chose de le chanter. Des fois, les syllabes sont très longues. Mm-hmm. Voilà. Les sons nasaux en français, ce n'est pas toujours évident de tenir très longtemps comme ça, parce qu'en parlant, on n'aurait pas fait ça naturellement. Donc, c'est tout un apprentissage. Voilà. C'est là qu'on voit la difficulté de chanter un opéra sur scène dans une langue qui n'est pas la sienne, parce qu'effectivement, ça demande un travail hors du champ, mais incroyable, oui, le travail du chant, rien que pour du travail musical. Pour la mémorisation, je veux dire, c'est vraiment apprendre quelque chose, c'est vraiment incroyable. Ouais. Alors, vous avez envie d'écouter Rusalka de Dvorak, la chanson à la lune. Rusalka, c'est une sirène d'eau douce, hein, c'est une naïade en quelque sorte. Voilà. Mais c'est la même histoire que la petite sirène dans Andersen. Sauf que c'est un peu plus triste. Un peu plus triste, oui. Et qu'est-ce qui vous touche dans cet opéra, C'est vraiment un de mes airs préférés. C'est aussi l'air que j'ai interprété pour mon diplôme. Mm-hmm. Donc, ça me touche particulièrement. Et je vous propose de l'écouter pour entendre pourquoi je l'aime autant, parce que c'est vraiment une musique magnifique. Ouais. Et alors, donc, comme vous êtes enseignante, vous avez des enfants qui ont quel âge ? À quel âge il faut commencer l'étude sérieuse du chant dans une école de musique ou un conservatoire ? Alors, le chant, pour les enfants, on peut commencer à chanter, surtout dans les chœurs, etc. Après, il faut savoir que vraiment travailler la voix, qui est un organe, qui fait partie du corps, c'est à partir du moment que l'enfant, quand même, finit de grandir. Mmh. On ne peut pas imaginer de travailler trop sur la voix, ou alors il faut vraiment savoir ce qu'on fait avant que la voix soit complètement... avant que le corps soit complètement mûr pour ça. Donc, Donc, il y a du chant pour les enfants, mais on va dire quand on commence vraiment à travailler, ça dépend des personnes, bien sûr, les morphologies ne sont pas pareilles, à partir de 16 ans, voire 18 ans. Voilà. Bon, on écoute tout de suite l'air de l'incantation à la lune, hein, chanté par Anna Netrebko, l'Orchestre Philharmonique de Vienne, Jean-Andrea Nozeda, c'est extrait de Rusalka d'Antonine Dvorak. Thank you. un extrait de Roussalka d'Antonine Dvorak, L'air de la lune, interprété par Anna Netrebko. L'Orchestre Philharmonique de Vienne, Jean-Andrea Nozeda. Le choix de mon invité, Marie-Julie Jacquier, qui nous a fait l'amitié de venir donc passer cette heure avec nous. Marie-Julie, on va récapituler un petit peu vos projets pour les semaines, les mois à venir. Donc, il y a un disque qui paraît prochainement, qui va être enregistré et paraître à l'automne, c'est ça? Oui. C'est bien ça, donc avec l'harpiste Kenoul Amirova, ouais. Donc un programme pour voix et harpe. On prépare également avec le trio Enos Tante Corde un programme autour de Fauré et Puccini, parce que comme on l'avait dit, on fête les 100 ans de disparition des deux compositeurs là. Ouais. Donc on prépare un programme poésie en musique autour de cela. Je vais également participer à des projets de musique contemporaine à l'automne pendant la semaine de sensibilisation à la santé mentale. Donc, c'est des poèmes qui ont été mis en musique par Pascal Lorenzini. Mmh. Et ça sera aussi en octobre, cette représentation. Et je vais participer également, alors ça c'est un peu plus lointain, mais d'accord. C'est un grand projet, ça s'appelle un ciné-opéra oui. contemporain, qui s'intitule Fauret, mais F-O-R-E-T, mm-hmm. qui sensibilise le public au profond changement qui subissent les forêts particulières dans le Grand Est. Bien, donc on va aussi rappeler qu'il y a un site web où on peut retrouver donc, toutes ces dates et puis découvrir votre biographie, une belle galerie de photos. Site vraiment remarquable, hein. Merci beaucoup. J'ai parcouru ces jours-ci, hier, très très bien. On va écouter, pour terminer, L'Ave Maria de Rombi, c'est extrait de la musique d'un film, Joyeux Noël. Vous avez souhaité écouter ce titre, donc chanté par Nathalie Dessay, c'est ça? Voilà, c'est l'interprète originale et c'est une pièce qui est inclue dans un programme France Sacrée dédié à des compositions entièrement, des musiques sacrées entièrement des compositeurs français pour voix et orgue que je propose également. Thank you. Voilà, c'était l'Ave Maria de Philippe Rombi, extrait de la musique du film Joyeux Noël. Le choix de mon invité d'aujourd'hui, Marie-Lie Jacquier, soprano, enseignante, professeure de chant. Merci Marie-Lie d'être venue nous parler de votre passion pour la musique et pour le chant. Et merci donc, beaucoup, on va rappeler qu'il y a un site web où on trouvera tous les renseignements concernant vos activités et voilà, votre carrière débutante. Voilà. Vous êtes encore toute jeune. Hein. Merci à vous. Allez, on se retrouve demain à 11h pour une nouvelle émission de Discothèque Classique. Bon samedi à toutes et à tous et à demain!